Il y a un siècle encore, les choses étaient simples ou à peu près simples. L'univers était statique et immuable, pour Einstein en tout cas. Et puis Edwin Hubble est passé par là, ainsi que le chanoine Georges Lemaître. Tous deux proposent un autre modèle dans lequel les objets s'éloignent les uns des autres. L'univers serait en expansion. Mais compte tenu de la force de gravitation, cette expansion devrait ralentir, être freinée par l'attraction gravitationnelle. Autre surprise à la fin des années 90, l'expansion, loin de freiner, accélère. Quel est donc cet étrange phénomène contre-intuitif qui nécessite la création d'une énergie sombre et qui est si complexe à quantifier? Expansion de l'univers, l'impossible mesure, c'est le programme accéléré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour comprendre la façon dont nous avons nous-mêmes compris que l'univers était en expansion et la pléiade de problèmes qui en a découlé, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Codis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, chercheuse CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, et Julien Grin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, mais avant de partir ad astra, nous restons quelques minutes encore in terra pour le tour de l'actualité scientifique avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude publiée dans la revue Science. La biorésistance aux antibiotiques augmente chez les animaux d'élevage destinés à l'alimentation. Et à force d'être exposés aux antibiotiques, les bactéries développent des mécanismes d'adaptation et deviennent multirésistantes. Depuis des années, la communauté scientifique recommande de réduire ces traitements dans les élevages. Sauf que la demande de viande grimpe partout, que l'utilisation des antibiotiques est exacerbée et surtout peu réglementée. Cette étude, menée par une équipe internationale, fait le point sur 20 ans de tendance. C'est une méta-analyse qui cartographie toutes les données disponibles à ce sujet. 901 enquêtes du monde entier de 2000 à 2018. En Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, partout, les taux de résistance aux antimicrobiens chez les animaux d'élevage augmentent. Et ils pourraient encore augmenter de manière exponentielle. L'étude appelle à mettre en place urgemment des mesures sanitaires à échelle mondiale. Pierre Tadevin est professeur en maladies infectieuses au CHU de Rennes et président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. L'étude dans Science, c'est une étude mondiale. Et dans cette population animale-là, si on regarde par exemple les poulets, la proportion d'antibiotiques dont la résistance est supérieure à 50% est passée de 15% à 41% entre 2000 et 2018. Donc ça a quasiment triplé. C'est un peu moins spectaculaire chez les cochons, mais c'est quand même passé de 13% à 34%, et chez les bovins de 12% à 23%. Mais c'est vraiment une tendance qu'on retrouve globalement. Alors il y a quelque chose qui protège un petit peu les humains. Il y a des antibiotiques qui sont vraiment pas utilisés dans les élevages, qui sont notamment les quinolones et les céphalosporines de troisième génération, quasiment pas utilisés, parce qu'on essaye de les réserver à l'usage humain. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont quand même communs aux deux. Il y a par exemple les cyclines, il y a les pénicillines. Et ça, c'est problématique parce qu'effectivement, l'usage dans les élevages animaux augmente les résistances qu'on retrouve, y compris dans les viandes de consommation. C'est le concept One Health qui est quelque chose qui a émergé il y a quelques années, mais qui est une évidence, c'est qu'on partage tout sur la planète et on partage aussi les résistances aux antibiotiques parce qu'on partage les bactéries qui portent ces gènes de résistance. On partage les résistances bon, pour les animaux et les humains et l'environnement, mais aussi d'une frontière à l'autre. Ça ne s'arrête pas aux frontières, les résistances. Donc une fois qu'il y aura vraiment une extension de ces points chauds sur la planète, tout le monde entier sera concerné. Et on passe au bref du jour. Selon un rapport publié hier par l'Organisation mondiale de la santé, 5 milliards de personnes n'auront pas accès aux soins de santé d'ici 2030. 5 milliards de personnes en 2030, ça veut dire plus de la moitié de la population mondiale. Selon ce rapport, les investissements pour la santé sont insuffisants dans la plupart des pays et sont même en train de reculer depuis quelques années. Il faudrait investir 200 milliards de dollars par an dans la santé pour sauver 60 millions de vies. L'OMS encourage les pays à investir au moins 1% de plus de leur PIB aux soins de santé primaire. Il appelle également à renforcer la couverture sanitaire universelle Partout dans le monde, le coût pour les soins augmente et participe à l'appauvrissement des populations. La NASA a signé hier un contrat de 3 milliards de dollars avec Lockheed Martin pour construire les prochaines capsules Orion. Les capsules Orion, ce sont les prochaines navettes taxi pour la Lune, pour les missions Artemis. Elles devraient transporter les astronautes américains, dont la première femme, d'ici 2024. Elles sont assez proches à des capsules Apollo, mais en plus spacieuses, elles peuvent transporter 4 personnes et ont une autonomie de 3 semaines. Les premiers vols inhabités sont prévus pour 2020. Et selon un nouveau scénario des chercheurs de la NASA, Vénus aurait pu être une planète habitable pendant 3 milliards d'années. Oui, une planète avec des océans, une température ambiante de 20 à 50 degrés. C'est difficile d'imaginer ça quand on sait que sur Vénus, il fait 470 degrés. Ce nouveau modèle se base sur l'évolution du rayonnement solaire et sur des modélisations climatiques de la Terre transposées à Vénus. Selon ce modèle, il y a 4,2 milliards d'années, son atmosphère se serait refroidie, ce qui aurait permis l'apparition d'un climat stable. Puis, il y a 750 millions d'années, un événement a bouleversé cette atmosphère. Probablement une activité volcanique qui aurait rejeté une énorme quantité de CO2 et provoqué un effet de serre. Néanmoins, les auteurs eux-mêmes admettent que l'on manque d'informations sur l'histoire de sa surface pour vérifier cette hypothèse. Merci Natacha, le journal des sciences que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr en podcast également, et tous les liens vers les articles et les études qui viennent d'être citées comme tous les jours sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. En 1917, Albert Einstein ajoute à sa théorie de la relativité un paramètre, la constante cosmologique, paramètre nécessaire selon lui pour rendre sa théorie compatible avec l'idée que l'univers est statique. Selon Gamow et selon la légende, Einstein dira de cette constante qu'elle a été la plus grande bêtise de sa vie lorsque quelques années plus tard, Edwin Hubble aura démontré le décalage vers le rouge et donc l'expansion de l'univers. Mais avant Hubble, il y a un chanoine belge à qui l'on attribue aujourd'hui les prémices du concept de Big Bang, Georges Lemaître, qui va poser les bases mathématiques de l'incompatibilité de la relativité générale avec un univers statique, une idée qui est très longtemps décriée par la communauté astrophysique. Écoutez ce résumé de la théorie de l'abbé Lemaître en 1948 sur la radiodiffusion française. C'est cette théorie passablement bouleversante de l'univers en expansion qui a conduit l'abbé Lemaître à son hypothèse de l'atome primitif. Deux grands principes gouverne l'énergie. Le premier est celui de sa conservation, le second celui de sa dégradation. Selon le premier principe, l'énergie totale se conserve, selon le second, l'énergie se brise, se pulvérise de plus en plus. De cette pulvérisation de l'énergie résulte la dilatation de l'univers. Il est donc permis de supposer, ce que fait l'abbé Lemaître, que si nous nous tournons vers le passé, si nous remontons les âges cosmiques par milliards de siècles, nous retrouverons cette énergie de plus en plus concentrée jusqu'à ce qu'elle ne constitue plus qu'une espèce de monstrueux atome unique, l'atome primitif, doué d'une hyper-radioactivité fantastique, ayant pour masse atomique la masse totale de l'univers et dont l'explosion engendrera tout ce qui est. Voilà une sorte de résumé du Big Bang avant même qu'il ne s'appelle le Big Bang. Votre réaction peut-être simplement l'un et l'autre à bien cette archive de 1948, Sandrine Codis. C'est étonnant parce que ça fait écho bien sûr à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais bien sûr avec une terminologie et des mots qui sont plus ce qu'on utilise aujourd'hui et plus les images qu'on utilise aujourd'hui, bien sûr. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir un petit peu cet aspect historique des choses. On ne parle plus de pulvérisation de l'énergie, Julien Grin. Non, on parle plus de pulvérisation de l'énergie. Moi, j'ai d'abord été étonné par le côté théâtral de la présentation et je me dis que je pense pas que j'arriverai à donner autant de théâtralité, mais c'est vrai que l'idée de l'atome premier des débuts de l'univers, en fait, elle est arrivée très tôt avec les travaux de Lemaître, même si au fond, dans le langage moderne, c'est plutôt avec les travaux de Gamow qu'on commence à parler de explosion primordiale, explosion thermonucléaire, et puis maintenant le jargon d'aujourd'hui, c'est parler d'univers primordial, donc le côté primaire, primordial, primeval en anglais, reste. Ce qui était intéressant, la raison pour laquelle on est allé retrouver cette archive, notre réalisateur Olivier Bétard qui va fouiller tous les jours dans les boîtes à archives de l'ORTF et de Radio France, c'est parce que Georges Lemaître aujourd'hui, depuis l'année dernière, on parle de la loi de Hubble Lemaître, il a été un peu réhabilité dans ses travaux et c'est vrai que peut-être on peut redire un peu en quoi consiste ou en quoi apporte les apports de Lemaître d'une part, puis de Hubble de l'autre, sur cette notion et sur la fin du fixisme, c'est-à-dire l'idée que l'univers était finalement tel que le pensait Einstein, c'est-à-dire absolument stable et non mouvant. Oui, donc peut-être si on peut revenir un petit peu sur ça. Donc l'idée, c'est qu'on a Hubble, hein, Edwin Hubble, dans les années 20, qui va découvrir, en fait, en étudiant les céphéides, qui sont des étoiles variables, qui avaient été étudiées, en fait, par une femme, Henrietta Leavitt, avant. Donc il va étudier ces étoiles et utiliser les résultats d'Henrietta Leavitt parce qu'en fait elle avait montré que finalement ces étoiles elles ont comme une pulsation, en fait si on regarde leur luminosité elles fluctuent au cours du temps avec une fréquence, hein, une pulsation qui dépend de leur luminosité intrinsèque. Ce qui fait que en fait, ces étoiles elles peuvent être utilisées comme des indicateurs de distance. Comme des chandelles standards, on dirait aujourd'hui. Et donc c'est exactement ce qu'a fait Hubble. Il a utilisé ses travaux d'Henrietta Leavitt pour justement essayer de mesurer la distance d'objets autour de nous, de galaxies autour de nous, et voir que ben, finalement ces galaxies autour de nous, quand on regarde leur spectre, on voit qu'elles sont décalées vers le rouge et que toutes ces galaxies finalement fuient, s'éloignent de nous, et surtout avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont éloignées. En fait, on s'est rendu compte après qu'il y avait eu des travaux antérieurs aux travaux de Hubble et Lemaître, je pense, ça doit être 2 ans avant. 1927. Ouais, 1927. Donc 2 ans avant les travaux en 1929 d'Edwin Hubble, avait fait des travaux donc théoriques, hein, en utilisant la relativité générale pour montrer qu'en effet, on devait avoir ce type de comportement et que c'était, selon ses dires, en accord avec les observations de l'époque. Mais c'était en français, et ça a été finalement traduit en anglais que plus tard. Et ce qui est assez amusant, je crois avoir vu passer l'idée que, en fait, quand il a lui-même traduit son article qui était en français en anglais dans les années 30, il a enlevé quelques passages, et en particulier la phrase qui disait que cette idée d'expansion de l'univers était en accord avec les observations, il l'a enlevée, peut-être par souci de ne pas trop venir embêter Hubble et de remettre en cause le fait que ce soit lui qui avait fait cette observation en premier. Le titre exact de l'article de Lemaître, c'est un univers homogène de masse constante et de rayons croissants. Effectivement, Lemaître, c'est vraiment une sorte de, ce sont des calculs statistiques cosmologiques qui l'amènent à postuler cette idée. Lemaître, il a une approche théorique. Mmh. C'est-à-dire que il prend la théorie d'Einstein de la relativité générale et cette théorie vous dit l'espace dans lequel vous êtes peut se déformer selon le contenu en matière et en rayonnement qu'il y a dedans. Il se dit, pour l'univers, étant donné le contenu de l'univers, évidemment, toutes les galaxies qu'on peut observer, par exemple, eh bien, ça doit avoir un impact sur sa forme, sa géométrie en langage de la relativité générale. Et si on suppose simplement que, en gros, il y a la même quantité de matière partout dans l'univers, eh bien, la façon dont ça agit sur la forme de l'univers, ça l'entraîne à avoir une expansion, c'est-à-dire à s'étirer au cours du temps. Et d'une certaine manière, dans ce langage théorique, l'interprétation des observations de Hubble, que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est pas tant parce qu'elles bougent, mais plus parce qu'elles sont sur un espace, dans notre univers, qui lui est en train de gonfler. Un peu comme si vous tracez des points à la surface d'un ballon, vous gonflez le ballon, les points à la surface du ballon n'ont pas bougé, pourtant, la distance entre chacun de ces points a augmenté. Pourquoi ? Parce que le ballon gonfle, pas parce qu'il bouge. Et donc, c'est un moment assez intéressant, on a à la fois des aspects théoriques développés par Lemaître et des aspects d'observation par Hubble, qui, d'ailleurs, à cette époque, cherche aussi à répondre à une question qui était très importante à l'époque en astrophysique, c'est de savoir, certains astres qu'on observait, est-ce qu'ils faisaient partie de notre galaxie ? Ou est-ce que c'était d'autres galaxies? Donc à l'époque de Hubble, dans les années 20... De nébuleuses encore. Voilà, on parlait de nébuleuses et on était encore dans l'idée, a priori, notre univers s'arrête à notre galaxie. Bon, les projets futurs d'observation de galaxies, c'est des milliards. Peut-être un mot pour. On parle effectivement d'une aujourd'hui donc de la loi de Hubble-Lemaître. Qu'est-ce qu'elle dit concrètement exactement cette loi, Sandrine Codis? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle dit que quand on regarde les galaxies autour de nous, toutes ces galaxies s'éloignent et avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont loin. Donc en fait, il y a une relation de proportionnalité entre la vitesse d'échappement des galaxies autour de nous et leur distance par rapport à nous. Comment on l'explique justement cette relation de proportionnalité, le fait que plus les objets sont lointains, plus ils s'éloignent au carré même de la distance? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que plus on observe des éléments lointains, plus on a l'impression que leur distance est grande. Voilà, mais donc ça c'est vraiment une conséquence directe de la relativité générale et de notre compréhension de ce qu'est l'espace-temps et de ce qu'est un univers dans le cadre de la relativité générale. Ce que Julien disait tout à l'heure. En fait, et qui. Vas-y, si tu veux continuer justement ton explication. C'est la seule manière de l'expliquer. Au fond, si les galaxies avaient une vitesse propre en elle-même, il n'y aurait aucune raison qu'il y ait une telle cohérence, et il n'y aurait aucune raison qu'une galaxie plus lointaine s'éloigne plus vite qu'une plus proche. Quand l'univers s'étire, c'est quelque chose d'un peu particulier, d'un point de vue mathématique, c'est que c'est un facteur géométrique et pas arithmétique. C'est pas que ça s'additionne, c'est que ça se multiplie. Donc en fait, que l'on soit proche ou pas, ou très éloigné, l'expansion agit pareillement. Ce qui veut dire que quand on est plus loin, en gros, il y a plus d'espace qui se dilate entre les deux galaxies, et donc la vitesse est plus rapide. Et ça, il faut vraiment avoir une logique d'un univers, d'un espace qui s'étire pour obtenir cette relation. Sinon, on voit pas comment, je prends un tas de personnes dans la rue, je vois pas pourquoi la personne systématiquement plus loin que moi s'éloignerait encore plus vite que de moi. On peut peut-être aussi ajouter le fait que, donc là on a parlé d'une relation de proportionnalité entre donc la distance des galaxies à nous et leur vitesse d'échappement, une petite relation de proportionnalité toute simple. Bien sûr, ça c'est valable uniquement dans l'univers local, pour des objets qui sont proches. Déjà parce que la notion même de distance, elle est définie de façon simple quand on est proche, mais quand on commence à être sur des échelles plus grandes, c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc, juste pour mentionner le fait qu'ici on est en train de parler de choses relativement proches de nous et qu'après il faudrait les amender un petit peu si on veut vraiment explorer des échelles plus grandes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc d'expansion de l'univers tout au long de cette heure en compagnie de Sandrine Codis et de Julien Grin. Alors ça, c'est le premier pavé dans la mare de l'expansion. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Einstein finira par reconnaître évidemment que l'univers est en expansion et qu'il avait tort, que l'univers n'était pas statique comme il le pensait. Le deuxième séisme dans cette histoire, c'est celui qui survient à la fin des années 90, lorsqu'Adam Reiss et ses équipes cherchent à mesurer la décélération de l'expansion. Pourquoi est-ce qu'on pense que cette expansion, finalement, elle est en train de ralentir? Pourquoi est-ce que ça va de soi quasiment à ce moment-là? Tout le monde se dit, l'expansion forcément ralentit. Pourquoi est-ce que c'est une grande surprise, justement, cette observation, Sandrine Codis? Parce que quand on pense à la force de gravitation, qui est la force qui est d'importance dans ce contexte, qu'est-ce que c'est la force de gravitation? C'est une force qui est attractive. Donc on s'attend à ce que si l'univers est en expansion, par l'effet de la gravitation, au cours du temps, cette expansion devrait plutôt ralentir. Donc c'était ce que tout le monde attendait. Et effectivement, dans les années 90, séisme, non seulement l'expansion ne ralentit pas, mais en fait, elle est accélérée. Donc ça a été vraiment quelque chose qui était complètement contre-intuitif et qui a changé complètement notre façon de concevoir la cosmologie et l'évolution de l'univers. Comment ont procédé Adam Reiss et ses collègues, Julien Grin? Alors, ce qu'ils ont utilisé, c'est ce qu'on appelle justement des chandelles standards. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'une chandelle standard? Alors, chandelle standard, ce qu'ils ont utilisé, c'est... les supernovas, mais il peut en exister plusieurs. D'une certaine manière, c'est des astres qui vont émettre de la lumière dans le cas des supernovas, et la luminosité, la quantité de lumière qu'elles émettent, est extrêmement bien connue et dépend de la distance physique à laquelle elles se trouvent de nous. Et donc, on peut faire une sorte de relation, biunivoque, qui nous dit, en mesurant leur luminosité, on peut savoir exactement à quelle distance elles se trouvent. Et puis, avec les modèles cosmologiques, on peut aussi prédire, en se disant, si je prends une supernova qui serait à telle distance, elle devrait m'apparaître avec une certaine luminosité. Et ce qu'ils ont observé, c'est que quand on commençait à regarder de plus en plus loin, la luminosité des supernovas, de ces chandelles standards, était plus faible que ce que prédisaient les modèles cosmologiques de l'époque, c'est-à-dire des modèles où l'expansion était constamment décélérée. Et la façon d'expliquer ça, c'est que d'une certaine manière, si la luminosité a diminué, c'est que la lumière a été en quelque sorte plus diluée par l'expansion, donc qu'il y a eu plus d'expansion que ce qu'on pensait. Et donc elle s'est mise à accélérer cette expansion. Peut-être qu'on peut réexpliquer aussi quelque chose, vous avez utilisé une expression qu'on utilise souvent comme ça dans les émissions ici d'astrophysique avec une sorte de naturel en disant mais oui ça va de soi. Vous avez parlé tout à l'heure Sandrine Collis de décalage vers le rouge. Qu'est-ce que c'est que ce décalage vers le rouge qui est grosso modo le synonyme d'expansion de l'univers? Pourquoi est-ce que ce décalage vers le rouge est la preuve que eh bien, les objets lointains s'éloignent de nous? Alors donc oui, pour expliquer ce qu'est le décalage vers le rouge, on peut parler un peu d'effet Doppler, même si bon, dans le contexte de la relativité générale, il faudrait être un peu plus précis que ça. Mais disons, pour simplifier, c'est un effet Doppler. Donc si vous prenez le spectre d'une galaxie, une galaxie, elle émet de la lumière, elle émet des photons qui vont donc voyager de cette galaxie jusqu'à nous. Et donc si elle émet un photon avec une certaine longueur d'onde, comme il y a expansion de l'univers, en fait, cette galaxie, elle est en train de fuir, de s'éloigner de nous. Et donc, la longueur d'onde qui a été émise, donc au moment de l'émission, c'est pas la même que celle qu'on va recevoir, puisqu'en fait, elle va être étirée par l'expansion de l'univers qui a eu lieu entre le moment où ce photon il a été émis et le moment où on le reçoit. Donc, ce que l'on voit, c'est que si on regarde le spectre d'une galaxie, et ben en fait, ce spectre va être décalé vers le rouge parce qu'il y a eu expansion de l'univers qui a donc dilaté les longueurs d'onde entre l'émission et la réception sur Terre de ces photons. Pour prendre la fameuse analogie de l'ambulance, c'est la même raison pour laquelle vous entendez la sirène de l'ambulance plus grave quand elle s'éloigne alors qu'elle est très aiguë quand elle passe à côté de vous. C'est la même chose, exactement, mais avec le spectre lumineux. Voilà, donc si les galaxies s'éloignaient et certaines se rapprochaient de nous, on verrait des fois des décalages vers le bleu, des fois vers le rouge. Ici, c'est quasiment uniquement vers le rouge parce que toutes les galaxies s'éloignent à cause de l'expansion. Ce qui nous fait aujourd'hui, donc on a abouti effectivement à ce constat que l'expansion était en phase d'accélération, mais avec tout de même un certain nombre de problèmes. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer, comment est-ce qu'on peut mesurer justement l'expansion de l'univers alors que nous-mêmes nous sommes à l'intérieur de cet univers, donc potentiellement et également en train de nous éloigner des objets que nous sommes en train de mesurer, et avec cet autre problème qui est que, comme on le sait, quand on regarde l'espace, on voit une version passée de l'espace, c'est-à-dire qu'on voit les choses qui nous viennent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de retard. Alors, Julien Grimm. C'est effectivement des mesures extrêmement compliquées parce que quand je regarde un objet distant, je le vois donc dans le passé, ce qui veut dire que entre l'instant où il a émis cette lumière qui, en gros, nous est donnée par le décalage vers le rouge et le moment où je la reçois, la lumière qui s'est propagée dans un espace qui s'étire. Donc la distance parcourue dépend de comment l'univers s'est étiré, ce qu'on ne connaît pas a priori, qui est plutôt ce qu'on cherche à reconstruire. Donc là, ça demande plusieurs mesures de plusieurs propriétés des astres pour pouvoir, entre guillemets, désenchevêtrer cette information. Donc, par exemple, dans le cas des chandelles standards, ça consiste à mesurer ce qu'on appelle la distance luminosité. Donc, d'une certaine manière, la réelle distance physique entre l'objet que l'on regarde, l'astre que l'on regarde, et le moment où la lumière nous arrive, compte tenu de l'expansion. Et puis, le décalage vers le rouge, qui lui prend juste en compte, entre guillemets, si je mesure un décalage vers le rouge de 2, ça veut dire qu'entre le moment où ça a été émis et le moment où je reçois la lumière, la taille de l'univers a été multipliée par 3. Puisque c'est évidemment une définition un peu étrange. Les décalages vers le rouge, il y a un petit 1 qui s'ajoute. On ne pouvait pas faire simple. Donc, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de mesurer d'un côté le temps, même si c'est jamais directement le temps, d'un autre côté, de façon indépendante, la distance. Et si on a des rapports distance-temps, eh ben, on commence à pouvoir dire est-ce que ça a été rapide ou pas. Et donc, c'est un peu comme ça. Il faut mesurer plusieurs propriétés qui nous renseignent sur différentes propriétés des astres, qui nous renseignent sur différentes propriétés de l'univers. Ensuite, on multiplie les mesures. Il y a effectivement les chandelles standards. Ça, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode. Ensuite, cette méthode est cumulée avec d'autres observations astronomiques et cosmologiques. Donc, évidemment, la plus vieille lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique, qui nous renseigne aussi énormément sur les propriétés de l'univers. Par exemple sur son taux d'expansion aujourd'hui, mais aussi sur la quantité de matière qu'il peut y avoir, les différents types de matière, et en combinant ces différentes mesures, pour prendre un peu les mesures historiques, il y en a plein de nouvelles. Effectivement, et on y reviendra. Les mesures historiques, ça va être ça. On va souvent combiner. Ce qui, grâce au fond diffus cosmologique, nous permet de voir des objets, une lumière extrêmement lointaine. Alors, le fond diffus cosmologique, peut-être qu'on peut redire un mot là-dessus, sur Drone Codice, c'est intéressant, parce que c'est effectivement les deux grandes méthodes, hein, pour simplifier un peu. Il y a les chandelles standards d'une part, et le fond diffus cosmologique de l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour déduire de l'observation du fond diffus cosmologique, qui, je le rappelle, est ce rayonnement fossile qui date de 380 Allez, à peu près. Je vous laisse le choix exact de l'unité. Non, mais enfin, qui est donc ce rayonnement qui vient de 380 000 ans à peu près après le Big Bang. Comment est-ce que on peut, grâce à ces mesures-là, grâce à cette lecture-là, obtenir l'expansion de l'univers? Alors, ce qu'on peut dire, donc peut-être on va déjà recommencer, je vais dire en deux mots peut-être ce qu'est le fond diffus cosmologique. Donc l'idée, on l'a vu, l'univers est en expansion, ça veut dire que si on remonte le temps, on a un univers qui va condenser toute la masse qu'on a aujourd'hui dans l'univers observable dans un volume de plus en plus petit, et puis on va arriver au fameux Big Bang initialement. Donc si on redéroule la machine dans l'autre sens, en fait on a un plasma primordial qui petit à petit se refroidit au fur et à mesure que l'univers se dilate. Et donc il y a un moment donné où la température devient suffisamment faible pour que les photons puissent se propager librement. Et donc de cet univers, cette soupe primordiale opaque, tout d'un coup les premiers photons peuvent voyager et on peut émettre la première lumière de l'univers qui est observée aujourd'hui et qu'on appelle donc le fond diffus cosmologique. Et donc, en mesurant ce fond diffus cosmologique, on arrive à faire des mesures de l'état dans lequel l'univers était quand il était encore tout jeune. Et en particulier, on a des échelles de distance que l'on arrive à mesurer. Et en mesurant ces échelles de distance, donc typiquement, en fait, c'est dans ce plasma initial, on va avoir une certaine vitesse du son parce qu'on a ce plasma avec des ondes sonores qui se propagent. Et donc, en mesurant tout ça, on arrive à en déduire, mais il faut bien comprendre que c'est des quantités dérivées, on arrive à en déduire le taux d'expansion à ce moment-là. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le taux d'expansion, donc ce qu'on appelle H0, hein, le taux d'expansion aujourd'hui. Et donc, à partir de là, il faut utiliser un modèle. Toutes ces interprétations des observations, elles se font au sein d'un modèle. On utilise donc le modèle concordant de la cosmologie, qu'on appelle lambda CDM dans le jargon. Et au sein de ce modèle, on peut ensuite en déduire la valeur que devrait avoir la constante de Hubble, ce fameux H0, taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Donc c'est vraiment une quantité dérivée, ça il faut bien l'avoir en tête quand on fait la différence entre les chandelles standards qui sont des mesures locales proches de nous, avec ce fond diffus cosmologique qui est une mesure dans l'univers primordial. Donc on est vraiment à des échelles de temps et d'espace très différentes. Je vais reprendre une analogie, je vous laisse la commenter, hein. Je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait parlante, mais néanmoins ce serait comme si on avait avec les chandelles standards la volonté par exemple de mesurer la vitesse d'un projectile en prenant et en mesurant la vitesse à un temps T, c'est-à-dire en voyant la distance de nous à ce projectile au moment où il a été expulsé, ou si on prend le fond diffus cosmologique, ce serait au moment où il sort par exemple du canon du pistolet et on verrait comment il a progressé dans le temps si on voyait au moment de son impact. D'une façon, c'est exactement ça, parce que c'est une extrapolation. En fait, voilà. On a un modèle pour expliquer par exemple la trajectoire balistique d'un projectile. On utilise ce modèle pour extrapoler une mesure qui était faite au tout début à ce que l'on devrait voir aujourd'hui. Mais alors, on arrive à un autre problème. Julien Grin, Sandrine Codice, c'est que quand on observe les résultats que nous donnent, on parle de constantes double, ces deux types de méthodes de renseignement, en tout cas de calcul de la constante cosmologique et donc de l'expansion de l'univers, eh bien on arrive à des résultats différents en fonction qu'on parte de chandelle standard ou du fond diffus cosmologique. On n'arrive pas tout à fait au même chiffre. On arrive à 74,03 km par seconde par mégaparsec d'une part ou 67,8 km par seconde par mégaparsec d'autre part. Alors tout à fait, les mesures faites donc grâce au fond diffus cosmologique aboutissent à une valeur plus faible que la valeur qui est obtenue avec les mesures qu'on qualifie de local. Alors local, à l'échelle de l'univers, c'est déjà grand, mais voilà, on va rester dans le local, qui est une valeur plus élevée, aux alentours, oui, de 73, et c'est encore actuellement une question qui n'est pas résolue, une manière de la résumer par rapport justement à ce que disait Sandrine, c'est est-ce que on a l'impression que l'univers local, donc on dit dans le jargon à bas décalage vers le rouge, à bas redshift, ou l'univers à haut décalage vers le rouge quand l'univers est jeune, est-ce qu'elle nous donnerait pas une image légèrement différente de l'univers, au moins en termes de son taux d'expansion? ce n'est pas du tout le même type de mesure. Comme je disais déjà, il y en a une qui est locale, le fond diffus cosmologique. C'est une mesure globale, on a une photo de tout l'univers. Donc, on pourrait se dire, ah, le fond diffus cosmologique, c'est un avantage. On a une vue vraiment à très grande échelle. Plus panoramique. Plus panoramique, mais en même temps, ce sont des paramètres qui sont plus dérivés, avec plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, qui se mélangent. Les supernovas permettent d'avoir quelque chose de plus proche d'une certaine manière. Ensuite, il y a aussi des travaux sur, comme on disait, les supernovas sont des chandelles standards, mais pour comprendre que ce sont des chandelles standards, il faut avoir un modèle très précis de comment les supernovas évoluent, explosent. Et donc, il faut aussi aller dans des détails, des modèles, cette fois-ci purement astrophysiques de ce type d'astre. Il peut y avoir aussi certains effets qu'on dit parfois d'environnement, c'est-à-dire que les chandelles standards ne sont pas isolées dans leur coin, mais peut-être que ce qui se passe autour d'elles, le fait d'être au cœur de certaines galaxies qui sont dans des amas de galaxies, vont aussi avoir un impact sur les mesures. Donc il y a encore actuellement beaucoup de travaux pour comprendre ce qui est nommé une tension. Alors ça, oui, ce sont les situations très marrantes en physique en général, pas seulement en astrophysique ou en cosmologie. Évidemment, toute mesure, un point clé quand on fait une mesure en physique, c'est de bien estimer les incertitudes qu'on fait sur nos mesures. Donc on a des incertitudes avec le fond diffus cosmologique, avec les supernovas, et il y a ces deux chiffres, et les incertitudes qu'on rajoute dessus font que ça ne se recouvre pas totalement, mais c'est pas non plus deux extrêmes, on n'est pas 50 d'un côté, 125 de l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle une tension, on est un peu mal à l'aise, c'est pas certain que c'est en désaccord, mais c'est pas certain que c'est en accord non plus. Bon, ce sont ces situations qu'on appelle une tension, mais je pense que des nouvelles observations, parce qu'on a évidemment bien d'autres idées pour mesurer cette constante, aideront sûrement à répondre à cette question. Affiner effectivement ces mesures. On va y venir dans un instant. Peut-être une question simple. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette expansion, finalement, elle ait été irrégulière, qu'elle ne soit pas constante et que le fond diffus cosmologique nous permette d'obtenir une moyenne alors que l'observation locale nous permette d'obtenir des mesures sur un temps plus restreint ou quelque chose comme ça? Ou c'est pensé de travers? Alors peut-être, avant de répondre à votre question, je voudrais juste revenir sur les succès déjà du modèle cosmologique qu'on a, parce que là on s'est focalisé un peu sur cette tension qui est relativement récente, mais il faut quand même mentionner le fait qu'en cosmologie, on a des observations très diverses qui deviennent de plus en plus précises et qui, jusqu'à présent, ont été incroyablement en accord avec notre modèle concordant de la cosmologie, de façon même totalement surprenante. Je pense que quand on est physicien, quand on est astrophysicien, ce qu'on espère, c'est toujours détecter des anomalies, des petites choses qui marcheraient pas, pour essayer de creuser un petit peu et aller au-delà des certitudes que l'on a aujourd'hui. Donc ça a été peut-être d'une certaine façon une déception, mais d'un autre côté, ça a confirmé ce modèle qui rencontre énormément de succès. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et donc effectivement, au cours de ces dernières années, derniers mois, comme on cherche des anomalies, quand on cherche, on finit par en trouver. Et effectivement, il y a cette tension. Certains parlent de crise depuis quelques semaines parce que la tension devient de plus en plus tendue, qui apparaît. On va en parler d'un article qui est publié tout récemment dans Science, d'accord, qui a effectivement fait grimper la tension d'un cran. Voilà. Mais donc c'est aussi un biais, en tout cas quand on est chercheur, parce que tout d'un coup, on a cette petite chose qui apparaît, qui est absolument excitante pour tout le monde, je pense. Donc tout le monde a envie de comprendre d'où ça vient. Alors ce qui serait décevant, ce serait que ce soit en fait un effet systématique, parce que toutes ces mesures, on va le redire, mais elles sont extrêmement difficiles, calibrées, étalonnées, je devrais dire, étalonnées des supernovae, des chandelles standards en général, c'est très difficile. Donc ce serait la déception que ce soit un effet systématique, mais c'est déjà arrivé. Aujourd'hui, on a une différence entre 67 et 74, quelque chose comme c'est ça, kilomètres par seconde et par mégaparsec. Il y a quelques années, une trentaine d'années, peut-être un peu plus, c'était entre 50 et 100, et puis finalement on s'est retrouvé pile au milieu. Donc ces débats-là, c'est des débats qui reviennent souvent. Mais donc si le fol espoir de beaucoup de physiciens, c'est que c'est un signe de nouvelle physique, ce serait absolument passionnant, et donc c'est exactement ce que l'on recherche. Et donc pour répondre à votre question, effectivement, essayer de comprendre l'histoire d'expansion de l'univers, c'est aussi comprendre le problème de la constante cosmologique que vous avez évoquée, et peut-être de cette énergie sombre, si cette constante cosmologique n'était pas constante, et si on avait en fait une histoire d'expansion un petit peu plus compliquée. On imagine un modèle où l'expansion effectivement n'est pas linéaire, Julien Grain ? En fait, l'expansion de l'univers change au cours de son histoire. Il ne s'étire pas toujours à la même vitesse. En fait, durant pratiquement les 10 premiers milliards d'années, l'expansion est dite décélérée. Elle va de moins en moins vite. C'était ce à quoi tout le monde s'attendait. Et elle s'est mise à accélérer, mais seulement durant environ les 3 derniers milliards d'années. Donc, et ça, on en a des preuves observationnelles formelles. Alors ça, on commence à... Enfin, en fait, il y a plusieurs manières de déduire l'histoire de l'expansion de l'univers. Et pas seulement la valeur aujourd'hui. Il faut en revenir un peu à la théorie d'Einstein. Ce qui déforme l'espace-temps, c'est le contenu en matière et en énergie. Dans le cadre de la cosmologie, de l'univers, c'est-à-dire que l'expansion dépend du taux de matière, de la quantité de matière qu'il y a dedans. Et ça, ces quantités, on peut les mesurer de façon différente, entre autres, encore une fois, avec le fond diffus cosmologique. Donc on sait très bien quelles sont les quantités de matière que l'on a aujourd'hui, et donc comment on peut, entre guillemets, refaire l'histoire à l'envers, et donc voir qu'il y a eu, pendant très longtemps, des phases d'expansion décélérées. En fait, pendant l'essentiel de son histoire, l'univers, le contenu énergétique qui domine le plus, c'est de la matière. Certes, pas standard, de la matière noire, mais qui est quand même de la matière dans le sens où elle ne peut pas engendrer une accélération. Mais comme cette matière se dilue au cours de l'histoire de l'univers, à un moment, elle devient sous-dominante. Et autre chose se met à dominer, et c'est ça qu'on ne connaît pas, et c'est cette autre chose qui entraîne l'accélération durant les 3 derniers milliards d'années. Donc et c'est l'énergie sombre. C'est ce qu'on nomme souvent l'énergie sombre. Si on interprète l'accélération comme étant liée à un contenu nouveau dans l'univers, on l'appelle énergie sombre. Et aujourd'hui, il compterait pour 68% du contenu énergétique de l'univers. Donc c'est lui qui domine. Mais c'est un peu une manière de nommer l'inconnu, l'énergie sombre. C'est une manière de dire, on a observé que l'univers s'était mis à accélérer récemment et on ne sait pas pourquoi. On ne l'avait pas prévu et nos théories ne prévoient pas cela. On est obligé de les changer un peu, beaucoup, on ne sait pas encore. Passionnément, certains à la folie. et en fait, le terme énergie sombre, c'est une manière de quantifier l'étendue du problème. Si c'était un nouveau constituant dans l'univers, pas de la gravité, pas de la matière usuelle, pas de la matière noire, il compterait pour presque 70% aujourd'hui. Et c'est lui qui engendre l'accélération. Universe is a Woman sur France Culture à 16h40 de Tree Fight for Sunlight, puisque nous parlons de l'univers, du fait que ce soit une femme, c'est pas sûr, enfin on n'a pas tout à fait tranché encore cette question-là. Néanmoins, on parle de son expansion tout au long de cette heure en compagnie de Sandrine Codis, qui est astrophysicienne, chercheuse CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et de Julien Grin, qui est chargé de recherche à l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay. Alors on le disait, hein, le problème de mesure de cette expansion est un problème majeur que l'on passe passe par une méthode ou par une autre, on n'obtient pas la même constante, ce qui crée une tension, d'aucuns diraient une crise, d'où une quête de nouvelles solutions et de réponses pour trancher ce dilemme. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes intéressé au Large Synoptic Survey Telescope qui est en cours de construction au Chili et auquel participe une équipe française que vous avez rencontrée. Oui, le LSST pourra mesurer la structure de l'univers à très grande échelle pour en faire une cartographie en 4 dimensions. Alors aujourd'hui, on sait localiser environ 1 million de galaxies, mais ce télescope, lui, pourra en observer 10 milliards rien que dans l'hémisphère sud. Pour y arriver, l'instrument aura un diamètre de 8 mètres, un jeu de 3 miroirs et une caméra. J'ai vu Pierre Antilogus, physicien à Sorbonne Université, qui travaille sur les filtres de cette caméra. Alors les filtres sont très importants car ils devront augmenter la vision de chaque portion du ciel pointée par le télescope. L'objectif de LSST, c'est de faire une cartographie en 4 dimensions, c'est-à-dire en 3 dimensions spatiales plus temporelles pendant 10 ans, là, c'est la durée du survey. Et dans ce cadre, il est nécessaire d'avoir des informations de distance pour pouvoir faire la troisième dimension. Et cette distance est fournie par les longueurs d'onde et donc par des filtres. Les filtres permettent de savoir si un objet est plutôt rouge ou plutôt bleu. Et pour les objets plutôt rouges, s'éloignent vite de nous et en fait sont donc les plus distants. Grâce à ça, on va avoir une vision de l'univers dans son ensemble, mais aussi bien spatiale que historique, puisque plus on voit des objets lointains, plus en fait ces objets que l'on voit sont jeunes dans l'univers. Et donc ça nous permet de reconstituer l'histoire de l'univers. Et je dirais que la matière visible, c'est une fraction très très faible de l'univers et qui se laisse un petit peu comme une feuille portée par les vagues. Et les vagues, effectivement, qui gèrent cette évolution de l'univers, c'est l'énergie noire et la matière noire. Aujourd'hui, le système échangeur de filtres est en test. Alors, il faut voir ça comme un gros robot à qui on envoie une instruction, change un filtre, remplace un filtre donné par un autre et qui va exécuter ses opérations en tenant compte, évidemment, des informations qu'il a à sa disposition. Alors là, le problème, c'est qu'il est à grande échelle, c'est que le filtre, il fait plus de 30 kilos et... Alors le voilà. Donc en fait ce que vous voyez là, c'est le volume correspond à la partie de la caméra qui contiendra le plan focal où seront donc les capteurs. En termes de dimension là. En termes de dimension, on parle de quelque chose qui fait 1,60 m sur à peu près 1,50 m de hauteur. Donc ça c'est le volume du cœur de la caméra et donc autour du plan focal, donc où sont les capteurs, se trouvent les filtres, ceux qui sont en repos, c'est-à-dire ceux qu'on n'utilise pas, et effectivement il y a un filtre qui est pris par un bras robotique donc et qui le met dans le plan focal. Donc en fait il s'avère que dans le cadre de l'SST, la caméra regarde vers le bas. C'est original, regarder les étoiles en regardant vers le centre de la Terre. Mais... Et vous testez aussi le changement de ce donc filtre. Là effectivement ce qu'on fait là actuellement, c'est qu'on finalise l'optimisation de la durée d'un échange d'un change de filtre. Il faut voir qu'en astronomie, le problème, c'est que le but, c'est de collecter le plus de lumière possible. Et si on passe son temps à faire autre chose que de collecter la lumière, par exemple changer de filtre, lire les capteurs, bouger le télescope, c'est autant de temps perdu pour collecter la lumière. Et donc, à quoi ça sert de faire quelque chose de très gros et très grand si la moitié du temps, on passe à ne rien faire, on ne fait faire de données. Donc, il y a un enjeu à effectuer cette opération de changement de la manière la plus rapide possible. Tout à fait. Et donc... Il y a pratiquement 200 kg de filtres à déplacer et à bouger, et le plus rapidement possible. Et en plus de ça, la mise en place sur le plan focal doit être relativement précise, surtout très reproductible. Et donc, c'est des contraintes mécaniques qui sont un petit peu difficiles. Bon, en même temps, voilà. Mais le temps de pause lui-même est très rapide, 20 secondes par pause pour capturer une petite portion de ciel. Voilà, alors donc, en fait, en une nuit, il va pouvoir faire à peu près 800 pointés. Ce qui permet, en gros, s'il ne changeait pas de filtre, de voir la totalité du ciel visible pendant une nuit. Le changement de filtre se fait pas après chaque pause. Non, alors la séquence d'observation, c'est je pointe dans le ciel quelque part, je prends une première pause de 15 secondes, je prends une seconde pause de 15 secondes, je me déplace de un peu plus de 3 degrés et je recommence. Et ça pendant à peu près une heure. Et au bout d'une heure, je change de filtre. Et on recommence l'opération. Et on recommence l'opération, et on recommence l'opération, et on recommence l'opération. Là, vous avez des travailleurs acharnés. Donc moi, je suis Françoise Virieux, je suis ingénieure en informatique, et je m'occupe du pilotage du changeur de filtre de la caméra. François nous expliquait qu'il fallait que cette opération soit effectuée de la manière la plus rapide possible. Oui. Oui, ben en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. En fait, hier, on a fait plein de mesures et on s'est rendu compte qu'on avait 2 minutes,25 secondes pour changer un filtre, hein, c'est-à-dire entre le filtre G en position online et puis le filtre U, par exemple, en position online. Et en fait, 2 minutes,25, c'est trop pour... C'est quoi le temps idéal, alors? Alors 90 secondes, mais c'est les premiers tests synchrones. Donc, parce qu'effectivement, le système a énormément de sécurité software pour l'instant, puisqu'on teste la sécurité aussi. Donc, pour tester la sécurité, il faut rajouter des bretelles. Et donc, maintenant, il faut qu'on enlève ces bretelles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire essayer de gagner du temps, en fait, sur l'enchaînement des... Par exemple, on a 3 clamps qui fixent le filtre en position online. On fait un clamp d'abord et les 2 autres en même temps. En faisant les 3 en même temps, on pourrait éventuellement gagner du temps. Voilà, c'est une piste. Là, on pourrait peut-être gagner 24 secondes. Voilà. Vous et votre équipe, vous allez pouvoir tester ces filtres à partir de quand ? Donc, les filtres seront utilisés quand le système sera sur le ciel. Donc, c'est a priori à partir de fin 2022. Le système-là, en fait, est un peu dans les fondations de la caméra elle-même. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle le backflange qui sera fixé au télescope pour pouvoir construire la caméra dessus. Donc, en fait, on a besoin, même si lui-même ne sera pas utilisé avant 2022. On en a besoin aujourd'hui rapidement aux États-Unis puisque c'est l'endroit où la caméra est assemblée. Les caisses sont là et elles attendent patiemment qu'on mette le système dedans. Voilà donc le reportage sur ce nouveau télescope qui devrait nous permettre de voir et de comprendre peut-être un peu mieux cette expansion de l'univers, le Large Synoptic Survey Telescope. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Sandrine Codis ? En fait, moi, c'était une réflexion un peu plus large qui est qu'on est quand même à une époque formidable où on a plein d'observations qui vont arriver et qui vont nous permettre d'étudier ce problème de la crise sur H0, mais aussi plein d'autres questions en astrophysique et en physique en général, avec énormément de précision. Donc là, on a parlé de cartographie tridimensionnelle des galaxies, même à 4 dimensions, si on veut, d'une certaine façon. Mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, on parle beaucoup des ondes gravitationnelles en ce moment et de l'apport de ces ondes gravitationnelles, et notamment pour cette crise de H0. Donc il y a plein d'autres choses comme ça. La crise de H0, il va falloir m'en dire. On va revenir sur cette crise de H0. Un mot peut-être juste, Julien Grain, sur ce reportage et sur les attentes que suscite ce nouveau télescope. Les attentes sont claires et c'est les objectifs de ce projet scientifique, c'est de comprendre dans le détail cette question de l'énergie noire. Pourquoi l'univers s'est mis à accélérer récemment ? Donc il y a évidemment ce télescope LSST qui fera ça depuis le sol, mais il y a aussi un projet européen satellite pour aussi faire comme ça des gigantesques cartographies des galaxies et de la matière dans l'univers qui permettra aussi de répondre à la question de l'énergie noire et de la matière noire aussi. Et donc, je pense que c'est un peu comme Sandrine, on vit une phase assez intéressante d'ailleurs, mentionner les ondes gravitationnelles. J'ai relu hier un article scientifique qui utilise donc pour la première fois les ondes gravitationnelles pour mesurer H0. Alors, c'est la première fois que ça H0, c'est la constante de Hubble. Pardon, la constante de Hubble. Donc, il trouve une mesure une valeur de 75 km par seconde par mégaparsec avec une incertitude de 40. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais c'est la première fois que c'est fait. Et on sait. Il n'y a qu'un événement. Et il n'y a qu'un seul événement. L'événement qui est d'ailleurs. C'est la fusion d'un trou noir et d'une étoile à neutrons. Le nom de l'événement, je ne l'ai plus. Oui, non, mais ça, c'est pas très bien ça. Non, mais ce qui est intéressant, alors peut-être un mot là-dessus, avant de reparler du papier de Science, c'est que, effectivement, les ondes gravitationnelles, on en attend beaucoup, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps à ce micro, cette fameuse astronomie multimessager. Pourquoi les ondes gravitationnelles peuvent nous renseigner, de quelle façon peuvent-elles nous renseigner sur cette expansion et sur cette constante qui n'est pas si constante de Hubble? Eh bien, parce qu'encore une fois, on va avoir affaire à une sorte de chandelle standard, on pourrait dire. Donc, parce que le phénomène d'onde gravitationnelle qui va être détecté avec nos interféromètres sur Terre va nous permettre de mesurer la distance en fait, qui nous sépare du phénomène, que ce soit une coalescence de trous noirs, d'étoiles à neutrons, etc., et la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une contrepartie optique à cet événement-là, donc par exemple dans le cas d'une nova, comme c'était le cas en 2017, on reçoit de la lumière. on peut localiser l'événement et avoir un redshift. Donc, et donc on peut c'est avec cette relation entre redshift et distance qu'on va pouvoir dire quelque chose sur cette fameuse constante de redshift, décalage vers le rouge. Exactement. Donc, bien sûr, un événement, grande barre d'erreur. Mais si on commence à avoir beaucoup d'événements, ce qui est le cas, hein, aujourd'hui, on détecte un nombre d'événements qui est de plus en plus grand. En onde gravitationnelle, on a de plus en plus, depuis que LIGO et Virgo se sont remis en fonction, on en détecte effectivement. Il y a de l'espoir de pouvoir justement faire diminuer cette barre d'erreur et avoir une mesure encore différente pour pouvoir peut-être trancher ce grand débat houleux de ces derniers mois et années. À ce propos, que faut-il penser justement des résultats qui ont été publiés dans Science le 12 septembre dernier par une équipe de l'Institut d'astrophysique Max Planck, qui aboutit à une autre valeur, à une valeur de 82,4 km par seconde par mégaparsec, Julien Grain? Alors, est-ce que, parce que en ce moment il y a beaucoup de choses qui sortent sur, et je ne les retiens pas tous, est-ce que c'est celui qui, peut-être tu pourras confirmer, qui traite, qui utilise des noyaux actifs de galaxies pour tracer à grande distance? Des masers, là, c'est ça. Oui, voilà. L'idée des supernovas, des ondes gravitationnelles, ce sont des sirènes standards. Pardon, ça c'est pour les ondes gravitationnelles, des chandelles standards pour les supernovas. Ça permet de tracer cette relation décalage vers le rouge distance, mais avec ces objets-là, on ne va pas extrêmement loin. En termes de décalage vers le rouge, c'est un maximum de 1, je crois, ça ne va pas beaucoup plus loin. Oui, même moins. Là, récemment, il y a eu une étude. On peut évidemment se dire, je veux faire le même genre d'étude en regardant des objets de plus en plus lointains. Et donc, il y a eu une étude qui utilisait des astres qui, je crois, permettaient d'aller à des décalages vers le rouge de 4, si je me souviens bien, et qui permet, mais là, j'en suis pas sûr, de la valeur exacte, et qui permet aussi de retester cette relation distance et décalage vers le rouge, mais sur des objets beaucoup plus lointains, et qui donnerait une nouvelle valeur de cette constante de Hubble, beaucoup plus élevée que ce qui est observé, soit avec le fond diffus cosmologique, soit avec les supernovas. J'avoue que je suis pas du tout spécialiste de ces choses-là. Je pense que, comme toujours dans ce genre de mesure, ça demande une connaissance extrêmement précise de l'astre qu'on étudie. Quelqu'un une fois m'avait dit, si on prend l'exemple des supernovas, en fait les supernovas ne sont pas des chandelles standards, c'est des chandelles standardisables. C'est-à-dire alors, qu'on... Il faut nous expliquer la voilà, subtilité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser tout un tas de modèles qui nous permet de refaire ce lien entre guillemets simple, enfin univoque, entre luminosité et distance. Et c'est ça cette idée de standardisable. C'est qu'il y a quand même, en soi, quand on les observe de façon brute, on n'a pas du tout ce lien-là. Donc dans quelle mesure ça s'applique aussi à ce genre d'objet ? Là, vraiment, ça dépasse totalement mes connaissances. Je ne sais pas si tu... Donc, généralement, sur cette étude, en règle générale, éventuellement, ou pour compléter ce que vient de dire Julien Grain. Peut-être juste pour compléter, donc tu disais, on essaie de voir de plus en plus loin pour avoir des objets un peu différents. Donc là, en l'occurrence, c'est des noyaux actifs de galaxies, donc des trous noirs qui vont être des phénomènes très énergétiques, parce qu'en fait, on a des disques d'accrétion, des phénomènes très énergétiques qu'on peut voir de très loin, qui envoient beaucoup de photons. Donc c'est un peu ça l'idée, mais l'idée est toujours la même. Des chandelles standards, on fait une mesure. Les barres d'erreur sont quand même relativement grandes encore. Mais je pense qu'il est un peu inquiétant ou extraordinaire, peut-être. C'est le fait qu'en fait, toutes ces mesures un peu locales avec des chandelles standards ou des sirènes standards, elles ont tendance toutes, même si c'est des grandes barres d'erreur, à donner une valeur qui est au-dessus de celle du fond diffus cosmologique. Et c'est ce côté systématique d'avoir toujours une valeur au-dessus, même si les barres d'erreur sont parfois grandes, parfois un peu moins grandes. Cet effet systématique qui est peut-être inquiétant. Qu'est-ce que ça vous laisse penser, justement, que ces mesures soient supérieures à celles du fond diffus cosmologique, alors que, on rappelle, les chandelles standards ont tendance à dire au contraire que c'est plutôt 67,8, donc en dessous de ce que mesure justement l'expansion vue par le fond diffus cosmologique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc le fond diffus cosmologique est à 67, et puis toutes ces chandelles, elles sont un peu au-dessus, entre 70, 74, etc. C'est ça. C'est ce côté effectivement systématique qui est un peu inquiétant. D'un autre côté, effectivement, comme le disait Julien tout à l'heure, les incertitudes sur la modélisation de ces astres, elles sont nombreuses. On peut penser, tout simplement, on va avoir une étoile, un peu de poussière, la poussière va masquer un petit peu ce qui se passe, donc va pas laisser passer tous les photons, ça change un petit peu la luminosité des objets. Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à modéliser, et donc effectivement c'est pas encore complètement clair de savoir s'il y a des effets systématiques d'un côté ou de l'autre, ou s'il y a effectivement de la nouvelle physique. Un mot, parce que effectivement, ce que vous disiez et ce qu'on entend là-dedans, c'est que quand on parle de tension ou de crise, c'est qu'effectivement, on est dans ces endroits, dans ce qu'on pourrait appeler des fissures de la relativité générale. C'est-à-dire qu'on attend qu'effectivement le modèle dysfonctionne suffisamment pour qu'à un moment donné, on puisse en tirer une forme de nouvelle physique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est justement sur cette zone là de fissure, sur cette zone d'accrétion presque de la théorie, ou est-ce qu'on est encore dans un modèle qui est relativement malgré tout solide? Qu'en pensez-vous? Moi, c'est mon sentiment personnel. Je pense qu'on reste encore dans un modèle solide parce qu'il faut comprendre une chose qui est assez étonnante, c'est que la physique du fond diffus cosmologique, et d'une certaine manière, c'est l'univers très lointain, il y a beaucoup de relativité générale, il y a de la physique des plasmas, mais c'est une physique qui est dite linéaire. Et en fait, c'est une physique assez simple. La physique des supernovas, la physique des noyaux actifs de galaxies, c'est une physique qui est beaucoup plus complexe. Alors certes, on a la proximité, mais c'est une physique non linéaire qui implique énormément de phénomènes et qui est en fait étonnamment beaucoup plus compliquée à modéliser. C'est pas pour dire qu'ils ont tort, hein. Voilà. Oui, bien sûr, on voit bien que c'est des paramètres compliqués. Au final, le challenge est presque plus de leur côté, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, d'un point de vue modélisation, c'est vraiment plus compliqué. Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'on doit renouveler tout le modèle? C'est peut-être là qu'il faut... Moi, je dirais que j'aurais plutôt une nature prudente. Encore une fois, quand on parle... Je vais plutôt parler des supernovas, mais c'est des objets plus proches. Donc là, toute la physique devient beaucoup plus compliquée. Ça implique la formation des grandes structures dans l'univers, qui est de nouveau une physique très compliquée. Et peut-être qu'il y a des désaccords en ce moment. Ça ne veut pas dire que le modèle est totalement à côté de la plaque, qu'il y a des points plus précis dans ce modèle, par exemple la formation des grandes structures, qu'on n'a pas encore bien compris, et c'est clair qu'il y a encore plein de points, je pense tu pourras confirmer. C'est vrai que 10 pour conclure. Bah, pour conclure, donc effectivement... Je suis totalement d'accord. J'ai un côté un petit peu rêveuse, donc moi j'aimerais bien croire que tout ça, ça nous montre qu'il y a peut-être de la nouvelle physique, parce qu'aujourd'hui on a parlé de H0 et de ces chandelles standards, mais il y a d'autres petites anomalies qui sont vraiment juste dues à ce qui se passe au niveau du fond diffus cosmologique et de la distribution de galaxies dans l'univers. Comme par exemple. Donc par exemple, il y a des effets qu'on appelle effets de l'anti-âge gravitationnel, donc ce qui nous permet en fait de mesurer, de cartographier, disons, où se trouve la masse dans l'univers. Et il se trouve que quand on fait du l'anti-âge gravitationnel et qu'on mesure quelle est la quantité de matière dans l'univers, et puis quand on regarde de l'autre côté le fond diffus cosmologique, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Et donc il y a des petites tensions. Alors c'est pas des grosses tensions, hein, c'est petit, mais il y a un petit peu de place pour peut-être de la nouvelle physique. Et donc, je trouve ça assez enthousiasmant de voir tous les jours quasiment de nouveaux articles scientifiques avec de nouvelles théories, des fois qui sont complètement farfelues. Mais par exemple, il y a quelques jours, je lisais un article où on proposait justement que cette tension sur H0 ce soit due à des effets d'écrantage quand on essaie de regarder des modèles de gravité modifiés pour aller au-delà de la relativité générale. Mais donc, quand on essaie d'aller un peu au-delà de la relativité générale, d'avoir ce qu'on appelle des théories de gravitation modifiées, on va avoir des phénomènes à petite échelle. Donc dans le système solaire par exemple, de ce qu'on appelle d'écrantage, et peut-être que cette tension elle peut nous renseigner sur ces effets d'écrantage que je trouve assez rigolo. Et donc bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais donc voilà, j'espère que en fait cette tension se confirmera et qu'on apprendra de nouvelles choses sur la physique fondamentale. Ce serait assez extraordinaire. Mais vous pensez bien que si jamais on apprend des choses supplémentaires sur la physique fondamentale, nous serons là pour vous en parler. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Les deux, merci Julien Grin, merci Sandrine Codis d'être venue nous parler de l'expansion de l'univers. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Eve Etienne, Alexandra Delbault, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, et c'était Jean Frédérix aujourd'hui à la technique. Demain, alors que le Grand Genève s'apprête à éteindre tout son éclairage public dans la nuit de jeudi afin de lutter contre la pollution lumineuse, eh bien nous nous intéresserons précisément à cette pollution lumineuse. Quel est son impact exact sur la faune, sur la flore et puis sur nous-mêmes, sur l'espèce humaine? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.